Je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir une émission sur Hamlet de Shakespeare, initialement diffusée le 25 mai 2020 en compagnie d'Olivier Py. La première représentation d'Hamlet de Shakespeare a lieu autour de 1600. La pièce est aujourd'hui considérée comme étant la quintessence du théâtre, mais cette lecture élogieuse n'apparaît qu'au XXe siècle. Avant cela, Hamlet est une pièce parmi d'autres, un divertissement dont la puissance n'est pas reconnue à sa juste mesure. Alors pourquoi est-elle devenue aujourd'hui indépassable? Dans Hamlet, tout y est, de la réflexion existentielle sur le sens de la vie jusqu'à la proposition de dépasser les mots de la pensée pour mieux agir par le théâtre. C'est du moins la thèse que soutient mon invité aujourd'hui, avec qui nous allons passer les 50 prochaines minutes en compagnie d'Hamlet. Bonjour Olivier Py. Et bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur du Festival d'Avignon. Comment vivez-vous cette étrange période qui nous prive de théâtre sur scène, à Avignon comme ailleurs d'ailleurs? De manière douloureuse, je dirais de plus en plus douloureuse, à mesure que le mois de juillet approche. Vivre un mois de juillet sans Festival d'Avignon, ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Donc c'est extrêmement douloureux. Je rappelle quand même aux auditeurs de France Culture qu'on leur proposera une édition spéciale du Festival d'Avignon, une édition radiophonique, sous le titre Un rêve d'Avignon, en direct et sans public chaque soir de la semaine du 6 au 11 juillet. C'est une maigre consolation, mais quand même, ça permet au festival d'exister sous une certaine forme. Non, c'est pas une maigre consolation, c'est une magnifique consolation. Et dans cette consolation, il y a le fait que je puisse parler avec vous de Hamlet, puisque Hamlet est un spectacle que je devais présenter au festival. Alors Hamlet, c'est pour vous la pièce de théâtre par excellence ? C'est pour tout le monde la pièce de théâtre la plus connue, du dramaturge le plus connu. Elle est devenue paradigmatique du théâtre. Quand on veut représenter le théâtre, en général, qu'est-ce qu'on montre? Un Hamlet tenant un crâne dans sa main et disant la fameuse réplique « être ou ne pas être ». Ce qui d'ailleurs est une contraction, parce que quand il dit « être ou ne pas être », il n'a pas de crâne dans la main, il a un crâne dans la main au cinquième acte. Mais cette contraction finit par devenir l'emblème même du théâtre. Donc c'est la pièce la plus connue, c'est la Joconde du théâtre. Mais ça, on peut le dire de tout Shakespeare. Pourquoi Hamlet en particulier? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi Hamlet en particulier? Est-ce que c'est sa pièce la plus géniale? Certains pensent que c'est plutôt le Roi Lear, sa pièce la plus géniale. Mais on peut se reposer encore la question quand on sait qu'Hamlet est une pièce très très longue. C'est la plus longue de tout son corpus. Et qu'on ne sait pas bien ce qu'elle raconte. Elle est une sorte de gigantesque énigme, ou bien des énigmes entrecroisées, et on sait qu'elle a peut-être formaté la philosophie du 19e siècle, la métaphysique du 19e siècle, puis le 20e siècle. Le 20e siècle s'est inspiré directement d'Hamlet. Sartre n'aurait pas écrit « L'être et le néant » s'il n'y avait pas eu la réplique « être ou ne pas être ». Mais Heidegger n'aurait certainement pas écrit « Sein und Zeit » en français « être et temps » s'il n'y avait pas eu « être ou ne pas être ». L'influence de cette pièce sur le monde de la pensée en général, pas seulement la philosophie, est unique dans l'histoire de la littérature et certainement dans l'histoire du théâtre. Et pourtant, vous ne cessez d'insister, et je le dis d'autant plus que vous avez écrit un ouvrage qui va paraître aux éditions Actes Sud, Hamlet à l'impératif, sur l'opposition entre d'un côté les mots, la pensée, et de l'autre les actes. Dans Hamlet, certes, mais dans le théâtre en général, pour privilégier le second. Vous dites finalement, Hamlet, c'est la pièce qui montre que l'action notamment théâtrale, est plus utile, plus efficace et plus enrichissante en fait que les simples mots qui permettent de penser. En tout cas, Hamlet nous dit qu'il faut faire quelque chose. Et nous dit aussi que cette chose qu'on peut faire, qu'on doit faire et qui est propre à donner dignité à notre existence, je parle seulement d'existence, pas d'être, eh bien, elle est presque impossible à faire. Il y a une interdiction dans Hamlet. Ce devoir éthique est empêché par quelque chose. Et c'est là que le personnage Hamlet est devenu l'homme moderne. Et je crois que Shakespeare avait lu Wittgenstein, parce que Wittgenstein, dans un très beau texte qui est pas trop compliqué, c'est pas comme le Tractatus, on arrive à comprendre ce qu'il dit, qui s'appelle la conférence sur l'éthique, réfléchit sur cette réplique que vous citiez incidemment, words, words, words, des mots, des mots, des mots, c'est très très court. Et Wittgenstein se demande ce qu'il y a dans les trois petits points, des mots, des mots, des mots, mais ça s'oppose à quoi? Wittgenstein dit ça s'oppose à l'éthique. Donc il faut trouver moyen de formuler l'éthique au-delà des mots. Puisque Wittgenstein ajoute, si on écrivait un livre qui puisse dire ce qu'est l'éthique, il annulerait tous les autres livres. Ben, ce livre, Hamlet, n'en est pas très très loin. Alors on va commencer, on va écouter la pièce si vous le voulez bien, on va entendre le début pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire, le début et surtout la première phrase que je ne dévoile pas, vous allez l'entendre, il s'agit d'une mise en scène par Georges Lavaudant, d'après la traduction d'Yves Bonnefoy, jouée à la Comédie Française le 21 février 1994, au début donc les gardes du château d'Elseneur où siège le roi du Danemark, Marcellus et Bernardo ainsi que l'ami d'Hamlet Horatio voient à nouveau apparaître le spectre du père d'Hamlet dans la nuit. Le château d'Elseneur, une terrasse sur les remparts. Dis-moi ! C'est à vous de répondre ! Halte ! Qui êtes-vous ? Dis-moi ! Bernardo ? Lui-même ! Parfaitement à l'heure. Minuit. Allez, va te coucher, Francisco. Grand merci pour cette relève. Quel âpre froid. Je suis transi jusqu'au cœur. Tu n'as rien remarqué ? Pas l'ombre d'une souris. Halte là ! Qui vit ? Une souris ! Oui, excusez-moi ! Je vous souhaite une bonne nuit. À mon brave, bonsoir. Qui vous a relevé ? Bernardo. Je vous souhaite une bonne nuit. Soyez le bienvenu, Horatio. Et vous aussi, mon cher Marcellus. Alors, a-t-on revu la chose, cette nuit ? Je n'ai rien vu. Horatio dit que ce n'est qu'un rêve. Il ne veut pas accepter de croire à l'horrible vision que deux fois nous avons eue. Et c'est pourquoi je l'ai pressé de venir avec nous pour épier ses heures de nuit. Si ce spectre revient, il pourra rendre justice à nos yeux. Et lui parler ! Ne se montrera pas. La toute dernière nuit, quand l'étoile, là-bas, à l'ouest du pôle, en vint à éclairer cette région du ciel où maintenant elle brille, Marcellus et moi, l'horloge sonnant une heure... Attention ! Arrête ! Regarde le qui revient ! N'est-ce pas ton roi, mais le roi ? Regardez bien, Horatio ! Tout à fait ! Il m'accable d'effroi et de stupeur ! Il voudrait qu'on lui parle ! Qu'est-ce que le... Horatio ! Qui es-tu ? Qui surprend ce temps de nuit et la superbe apparence guerrière sur laquelle a marché jadis la majesté du roi de Danemark, qui est mort ? Par le ciel ! Parle ! Je te l'ordonne ! Parle ! Nous l'avons offensé ! Regardez-le, il s'éloigne ! Reste ! Reste et parle ! Les trois premiers mots de la pièce sont « Qui va là ?» Ce à quoi Francisco répond, c'est à vous de répondre. Alors Olivier Pi, c'est à vous de répondre. Qui va là ? Alors d'abord, ce qu'on a entendu, c'est pas Shakespeare, c'est Bonnefoy. C'est la traduction de Bonnefoy. L'histoire de la traduction de Hamlet en français mériterait une histoire à elle toute seule. Elle accompagne toute la littérature, et bien sûr, au XIXe siècle, c'est Hugo Fils qui en fait une sorte de manifeste sur l'écriture romantique. Un miroir de l'écriture de Hugo. Mais alors la traduction de Bonnefoy, qui réapparaît dans les années 80, est un cataclysme, en France en tout cas. Elle fait entendre une pièce qu'on ne connaissait pas, ou qu'on croyait connaître et qu'on ne connaissait pas, et elle va inspirer notamment Derrida, dans un très beau livre, peut-être son plus beau livre, qui s'appelle « Spectre de Marx ». En fait, il parle de la pièce de Bonnefoy, pas de la pièce de Shakespeare. Et puis ensuite, Deleuze répondra à cette traduction, et Lacan fera un immense séminaire dans lequel, quand il cite Hamlet en français, il cite le texte de Bonnefoy. À cela près que la première réplique, je pense que la traduction de Bonnefoy n'est pas à la hauteur du texte de Shakespeare. La première réplique est « Who's there ?» Et il faut traduire plus simplement « Qui est là ?» La première réplique, c'est pas « qui va là ?» comme l'a traduit Bonnefoy, mais « qui est là ?» Qui est là, c'est une interrogation, une méta-interrogation sur le théâtre. Qui est là ? Qui est là aujourd'hui dans la salle ? Qui sont ces gens qui se réunissent avec un espoir d'entendre une parole poétique qui transforme leur vie ? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui ferait, à l'endroit du théâtre, une espérance éthique ? Donc dans la question « qui est là ?», il y a une interrogation sur le public qui rend possible la chose théâtrale, qui montre qu'il n'y a pas de théâtre seul, qu'il n'y a qu'une intersubjectivité au théâtre, et dans cette intersubjectivité, la création d'un espoir transcendantal, à proprement parler. Cette première réplique, elle est bien sûr qu'elle est adressée au public, elle est aussi adressée au temps, à son temps, à ses contemporains. C'est-à-dire, qui est là aujourd'hui, on dit maintenant, de manière présentielle. Eh bien, c'est exactement ça. Ce qu'elle révèle, c'est la présence réelle, pour dans le lexique théologique, qui va permettre quelque chose qui est plus grand que la philosophie. Parce qu'on dit toujours qu'Hamlet est une pièce philosophique, mais c'est bien plus que ça. C'est la pièce qui a mis en cause la philosophie, qui dit, par le théâtre, nous allons faire un exercice plus grand que la philosophie discursive. C'est pour ça que tous les philosophes, à un moment ou à un autre, ont plié le genou devant le génie d'Hamlet. Oui, mais toute philosophie n'est pas forcément discursive. On peut pas d'un côté dire que la philosophie n'est qu'affaire de mots, quand le théâtre n'est qu'affaire d'action. Déjà, il y a des mots au théâtre, et la philosophie aussi peut inviter à l'action. Oui, en tout cas, elle en a rêvé. Le théâtre est une forme d'action particulière, parce que c'est une sorte d'action qui n'agit pas directement sur le monde. Elle agit sur les êtres, elle agit sur la psyché. Cette action, elle est d'un autre ordre, bien sûr, que de prendre les armes. Et toute la pièce est dans la méditation d'une action qui n'agit pas. Dans cette pièce, Hamlet a un devoir éthique qui est apparu dans la figure de son père, la figure du spectre, qui est revenue comme ça pour lui dicter son devoir éthique, fais quelque chose de toi-même, fais quelque chose de ta vie. Mais ce devoir éthique, il n'arrive pas à l'accomplir. Et dans une scène où il pourrait tuer le roi, il ne le fait pas. Il y a eu des bibliothèques entières qui se sont posées la question de cette interdiction, de cette immobilité d'Hamlet. Hamlet, c'est le devoir éthique formulé de la manière la plus radicale et l'impossibilité totale d'y répondre. C'est ça l'homme moderne, mais c'est ça notre histoire aussi à tous. Mais la demande que le spectre adresse à Hamlet, donc le père d'Hamlet, qui s'appelle aussi Hamlet, adresse à son fils, elle est précise. Elle consiste à lui demander de le venger, parce que l'histoire d'Hamlet, c'est aussi, même s'il y a mille façons d'en parler, l'histoire d'un fils qui apprend que son père est mort et qui découvre que sa mère a épousé son oncle et que ce sont les deux qui ont tué son propre père. C'est aussi une histoire de vengeance qui ne réussit pas. Oui, de vengeance, mais pas de vengeance pour la vengeance, de rétablissement de la couronne, c'est-à-dire de rétablissement de la légitimité, de la dignité, de rétablissement du sens. Alors Derrida l'a compris extraordinairement quand il a vu dans le premier manifeste de Marx cette citation d'Hamlet, le communisme est un spectre qui revient en Europe. C'est-à-dire que ce que le communisme joue, c'est la figure paternelle et éthique qui nous demande de changer quelque chose à notre vie. Et c'est peut-être ça qui fait que ce livre est le plus beau, à mon sens, le plus beau de Derrida. Mais pour Derrida, évidemment, le devoir éthique est quasiment confondu avec le devoir politique. On peut construire l'éthique à un autre endroit, et notamment pour un artiste. Vous aviez raison de rappeler que le spectre s'appelle aussi Hamlet. Mais il ne faut pas oublier que nous savons très peu de choses sur Shakespeare, mais nous savons qu'il a joué le rôle du spectre. Donc ça, c'est extraordinaire de penser que Shakespeare jouait ce rôle-là, qui est une sorte d'allégorie de l'éthique, mais qu'il le joue dans un contexte personnel particulier, puisqu'il a perdu lui-même son père un an plus tôt, et qu'il a perdu lui-même son fils un an plus tôt, et que ce fils s'appelait Hamlet. Donc c'est une sorte de trinité incroyable, le père, le fils et le théâtre. Il joue le rôle du père pour s'adresser à son fils qui est mort. Et ce contexte peut paraître seulement psychologique, mais il y a autre chose. Il y a dans ce moment-là le basculement de la Renaissance tardive au monde moderne, avec à son centre l'individu. L'individu, l'homme seul qui va pouvoir dire « je suis seul, à la fois dans ma liberté et à la fois dans ma terreur, pour fonder une vie qui ait du sens ». C'est donc, si je vous suis bien, et c'est le début de cette pièce, un spectre, donc un individu qui n'est pas vraiment du côté de la vie, ou en tout cas qui apparaît, c'est la définition du spectre, il apparaît, et pas vraiment en chair et en os, qui va venir nous enjoindre à agir. C'est comme si ce qui faisait partie du monde des vivants n'était pas suffisant pour nous conduire à l'action. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a l'importance accordée au rêve aussi dès cette première scène et qu'on retrouvera tout au long de la pièce. Le rêve est peut-être ce qui nous décolle de la réalité en même temps permet de la rejoindre de plein pied. Cette ambiguïté, elle est entretenue par Shakespeare. Oh oui, et Derrida rêve beaucoup sur cette chose, C'est dit dans la troisième réplique, la chose revient. Ce machin, ça veut dire quoi, chose et machin? Ça veut dire qu'on n'a pas de mots pour le décrire, hein, pour décrire l'injonction éthique, l'impératif catégorique de l'éthique, on n'a pas de mots. Il est au-delà des mots, c'est ce que nous dit aussi Wittgenstein. Les mots, le langage, butent dans ses limites quand il doit parler de l'éthique. Alors, qu'est-ce que Shakespeare nous propose? Une armure, car il est en armure, peut-être vide, une sorte d'exosquelette, peut-être vide, et en plus, Hamlet ne voit pas très très bien son visage. Derrida rêve beaucoup sur la visière, sur le home, qui couvre le visage. Donc, Hamlet n'est pas certain que ce soit son père. Tout ça n'est peut-être qu'un rêve. Tout ça n'est peut-être qu'une machinerie de théâtre. Et pourtant, rêve, machinerie, indicible, fantôme, c'est propre à créer en lui un besoin de sens qui ne peut pas passer que par les mots, qui va exiger de lui un acte. Il faut faire quelque chose. Alors comment Hamlet lui-même va formuler cet impératif à agir? On va entendre un second extrait qui est une discussion entre Polonius et Hamlet. Est-ce que vous voulez nous présenter Polonius, Olivier Py? Oui, Polonius est un personnage étrange. C'est un politique, un ministre du roi. C'est quelqu'un qui est caché souvent derrière les tapisseries et qui en paiera le prix. C'est un espion. Et puis, c'est le père de la fameuse Ophélie. Donc, c'est un beau-père à venir de Hamlet. Et il y a, entre Hamlet et Polonius, des discussions qu'on pourrait dire surréalistes. Ils se mettent à réfléchir tous les deux sur la forme d'un nuage, savoir si ça ressemble au cul d'une baleine ou au cul d'une belette. C'est-à-dire sur le fait que tout est indicible, que tout est mouvant, et qu'on ne peut rien savoir sur rien. C'est le scepticisme de Shakespeare qui apparaît souvent dans ses discussions avec Polonius. Et puis, ces deux répliques incroyable, que lisez-vous, Monseigneur? Des mots, des mots, des mots. C'est-à-dire, les mots n'arriveront pas à atteindre à l'éthique. Alors voici l'extrait qui commence avec une question insolente de la part d'Hamlet, puisqu'il demande à Polonius s'il a une fille. Il sait très bien qu'il a une fille, puisqu'il en est amoureux, enfin, en tout cas, semble-t-il. Et juste avant, il faut le savoir, il l'a appelé Macro, et Polonius lui semble ne pas comprendre l'allusion. Et puis Hamlet va se mettre à lire, mais que lit-il? Vous avez une fille? Oui, monseigneur. Qu'elle n'aille pas au soleil. Concevoir est une bénédiction. Mon ami, veillez à la façon dont votre fille peut concevoir. Speak white. What's your fucking problem? Quand? Ma fille. Speak white. Toujours, ma fille. What's your fucking problem, man? D'autant que t'as pas reconnu d'abord. Macro. T'as pris pour un poisson. Il est bien pris. Et c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup souffert aussi par amour. Oui, presque autant. Je vais lui parler encore. Que lisez-vous, monseigneur? Ah. Des mots. Des mots. Des mots. Et rien qui les unisse, monseigneur. De qui parlez-vous? De ces mots que vous lisez, monseigneur. La calomnie, monsieur, car ce railleur, l'éhonté, prétend que les vieillards ont des barbes grises et un visage ridé, qu'ils ont une abondante pénurie d'esprit en même temps que les jambes faibles. Toute chose, monsieur, dont je suis fortement et profondément convaincu, mais que je trouve déshonnête de coucher ainsi par écrit. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons de quatre pièces de théâtre cette semaine. Aujourd'hui, Hamlet, en compagnie d'Olivier Py. Vous venez d'entendre un extrait de la scène 2 de l'acte 2. Vous aurez peut-être reconnu Jacques Serrez dans le rôle de Polonius et Recep Mitrovica dans le rôle d'Hamlet. Des mots, des mots, des mots. Voilà ce que répond Hamlet quand Polonius lui demande ce qu'il lit. Mais que lit-il vraiment, Olivier Py? Alors, on ne sait pas ce qu'il lit, mais on sait qu'il pourrait lire Montaigne, puisqu'on sait que Shakespeare l'a lu. Que la pensée de Shakespeare a été très construite par Montaigne, et notamment sur le scepticisme. Donc ça, c'est une possibilité. Il peut lire aussi l'éloge de la folie d'Érasme, puisque ça a été un des livres de chevet de Shakespeare. Mais surtout, il y a ce qu'il ne trouve pas. Il ne trouve pas dans la philosophie quelque chose, dans la philosophie discursive, écrite, quelque chose qui puisse donner sens à sa vie. Alors, il le dit au début du XVIIe siècle, ça va être la pensée profondément moderne du début du XXe siècle. Le XXe siècle va se retrouver particulièrement dans cette réplique, words, words, words, trois mots après tout, trois mots pour dire que les mots sont limités. Toute la modernité va s'inscrire à cet endroit. Qu'est-ce qu'on fait de ça, du fait que le langage n'atteindra jamais les finalités? Wittgenstein essaie d'y répondre, et d'ailleurs Bonnefoy utilise probablement des idées de Wittgenstein pour traduire des jeux de mots qui sont impossibles à traduire, mais alors il y a quelque chose entre les mots qui les unit, etc. Wittgenstein le dira, si les mots ont l'air de ne pas pouvoir atteindre aux finalités, c'est parce qu'on oublie qu'ils sont prononcés par quelqu'un dans un certain contexte, j'ai envie de dire sur un théâtre. L'impossibilité du langage à fonder l'éthique est résolue par l'acteur, par la présence même, par l'intention que nous pouvons donner. Les mots ne sont pas des images, les mots sont des outils. Lacan aussi essaiera de trouver quelque chose pour résoudre l'impasse de la subjectivité du signifiant. Il le fera, lui, par la psychanalyse, en pensant que la parole est cachée dans la parole. Et qu'au fond, les mots, on les dit moins qu'ils ne nous disent. Toutes ces idées-là, elles sont potentiellement dans cette scène très très courte et très drôle. En plus, c'est merveilleux d'entendre le public rire, parce que c'est juste. Hamlet n'a pas d'autre choix que de faire rire avec sa détresse. Dans la conférence sur l'éthique de Wittgenstein que vous citiez, qui date de 1929, on trouve ces lignes. Supposez que l'un d'entre vous soit omniscient et que par conséquent il ait connaissance de tous les mouvements, de tous les corps, morts ou vivants, de ce monde. Qu'il connaisse également toutes les dispositions d'esprit de tous les êtres humains, à quelque époque ils aient vécu, et qu'il ait écrit tout ce qu'il connaît dans un gros livre. Ce livre contiendrait la description complète du monde. Mais ce livre ne contiendrait rien que nous appellerions un jugement éthique, ni quoi que ce soit qui impliquerait logiquement un tel jugement. Et il continue, sans doute quelques-uns parmi vous en conviendront, se souvenant de ce que dit Hamlet, rien n'est bon, rien n'est mauvais, c'est la pensée qui crée le bon ou le mauvais. Mais ceci, à nouveau, pourrait donner naissance à un malentendu. Les paroles d'Hamlet semblent impliquer que le bon et le mauvais, bien que n'étant pas des qualités du monde extérieur, sont des attributs de nos états d'esprit. Au contraire, ce que je veux dire, c'est qu'un état d'esprit n'est ni bon ni mauvais dans un sens éthique. L'éthique, si elle existe, est surnaturelle, alors que nos mots ne veulent exprimer que des faits, comme une tasse à thé qui ne contiendra jamais d'eau que la valeur d'une tasse, quand bien même j'y verserais un litre d'eau. L'image est très parlante, elle nous permet de comprendre ce que veut dire Wittgenstein, mais la position de Wittgenstein a aussi des limites. On peut tout à fait lui opposer le fait que prononcer des mots, formuler des mots, même sur scène, c'est déjà agir. C'est une certaine conception du langage qui a ses détracteurs et qui n'est pas forcément celle véhiculée par Shakespeare. Vous placez du côté de Wittgenstein, Olivier Py. Oui, je me place du côté du Wittgenstein 2. Et dans le Tractatus Philosophicus, qui est un livre très très complexe, je le répète, très très technique, il y a au moins des formules qu'on comprend, toutes les propositions sont équivalentes. C'est un résumé du passage magnifique que vous avez lu. L'idée de la tasse à thé qui finalement ne peut contenir que ce qu'elle contient, à savoir du signifiant, mais pas du sens, on n'a pas fait mieux, donc j'entends. Mais Wittgenstein a trouvé une sortie. La sortie, il ne dit pas que l'éthique est inatteignable, il dit que l'éthique est inatteignable dans les mots si on les laisse enfermer dans un livre. Mais si on les utilise, alors on peut atteindre l'éthique. Après tout, dire « je t'aime », ça peut dénouer l'impasse du langage. Et ça n'est pas inopérant. Peut-être que c'est ça aussi le sens même du théâtre, et en quoi Shakespeare semble nous dire dans Hamlet que si la philosophie n'atteindra jamais aux finalités, comme cette tasse qui n'est remplie que d'elle-même, par contre, le théâtre pourrait être une tasse qui s'agrandit à mesure qu'on la remplit, et qui s'agrandit dans le cœur de celui qui l'écoute, ce qui est là. Y a-t-il quelqu'un en face de moi qui pourrait, avec moi, construire une vérité plus grande que celle qui est enfermée dans les limites du langage? Alors pourquoi? Pourquoi le théâtre aurait-il cette force-là? Qu'apporte le théâtre en plus que les mots simplement énoncés? Il y a malheureusement beaucoup de jeux de mots chez Shakespeare qu'on peut pas traduire. Et il y en a un qui est très simple, c'est « to act ». C'est repris plusieurs fois. to act. Sauf que to act en anglais, ça veut dire à la fois jouer, dans le sens de jouer la comédie, et agir. On n'a pas d'équivalent en français où, quand on parle de théâtre, on doit prendre l'idée du jeu, à la fois de la chose qui bouge, de la pièce qui bouge, mais aussi l'idée du jeu ludique, enfantin, et puis l'idée de la trahison. Alors qu'en anglais, on a to act. Donc chaque fois que il parle d'agir, on se demande s'il s'agit de jouer ou s'il s'agit d'agir. Mais à vrai dire, pour Shakespeare, monter sur un théâtre, avoir une parole poétique, c'est l'acte suprême. Kierkegaard dit quelque chose sur Hamlet qui est très touchant, qui est très court. Il est aussi difficile de jouer Hamlet que de prier. C'est-à-dire qu'il met à la même hauteur l'idée de l'acte au sens théâtral que la prière. Mais cette scène existe d'ailleurs, puisque le roi est en train de prier au moment où Hamlet doit faire cet acte qu'il ne peut pas faire, à savoir tuer le roi. Donc c'est une contraction de cette scène extraordinaire où Hamlet échoue à faire l'acte qui lui permettrait d'atteindre l'éthique. Pourquoi il ne le fait pas ? C'est l'énigme même de la pièce, mais qui nous renvoie à notre propre énigme. Donc la pièce montre la nécessité de l'acte sur la parole ou sur la pensée, mais en même temps elle montre son échec. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que Shakespeare est vraiment génial. C'est pour ça qu'il n'est pas un moralisateur. Il ne nous dit pas « il faut faire quelque chose de ta vie ». Il dit « moi, comme toi, je n'arrive pas à faire quelque chose de ma vie ». Et pourtant, lui, il a quand même fait quelque chose. Cette impossibilité, il le met au centre même de la pièce. Et il faut pas oublier que si le théâtre est présent, le méta-théâtre, le théâtre qui parle de théâtre, est présent dans la pièce, dans ses pièces d'ailleurs en général, c'est souvent de manière grotesque. Il se moque souvent du théâtre, comme dans Le Songe d'humilité. Mais le théâtre qu'on joue dans Hamlet, puisque Hamlet convoque des comédiens pour jouer une pièce qui ressemble à sa propre vie, il est ridicule, ce théâtre-là. Il est pas particulièrement génial. Et pourtant, dans cet échec, dans ce ridicule de l'acteur, je dirais même dans cette prétention du théâtre, il y a quelque chose qui, dans cet échec, réussit. Même si c'est ridicule, même si ça peut paraître ridicule, même si ça peut paraître moins inefficace que, par exemple, la Révolution, eh bien, ça agit. Et c'est vrai, Hamlet a agi, Hamlet a construit le monde, Hamlet a construit le monde moderne. Et vous arrivez à dire ce que c'est, cette chose qui réussit ? C'est la transformation ? C'est une réponse un peu personnelle que je devrais donner. Je crois que ce qui réussit, c'est que les âmes ne sont plus en repos. Après avoir vu Hamlet, on ne peut pas retourner dans sa petite chambre de la même manière. Nietzsche parle peu d'Hamlet, mais il a une seule formule, et elle vaut peut-être plus que des piles et des piles de gloses sur Hamlet. Il dit « Ce n'est pas l'inquiétude qui rend fou Hamlet, c'est la certitude. » De la part d'un homme qui finira fou, d'ailleurs. Donc fou de sa certitude. Quand nous voyons Hamlet, nous avons la certitude que nous devons faire quelque chose. Mais nous ne savons pas quoi. Alors ça, nous ne savons pas quoi. Pourquoi aussi ? Parce que la réponse de l'éthique est individuelle. Donc elle ne peut pas être dans un manuel d'éthique comme les Américains savent si bien en faire. Non, elle est individuelle. Ce que je dois faire, il n'y a que moi qui puisse y répondre, et ni Hamlet, ni Shakespeare n'y répond à notre place. Là, il y a un basculement vers le XVIIe siècle, vers le monde moderne, vers la place de l'individu. C'est moi qui dois répondre à ce que je dois faire pour que ma vie soit une vie qui ait plus de dignité. Ce qui confère à l'être humain une certaine responsabilité, prononçons le terme, parce que c'est ce qui peut ressortir de la fameuse tirade « Être ou ne pas être, to be or not to be » qu'on trouve dans la première scène de l'acte 3 d'Hamlet, que je vous propose d'écouter. Un point de contexte, Claudius et Polonius ont fait en sorte qu'Hamlet croise Ophélie afin de pouvoir espionner leur entretien derrière la tapisserie. Il y a toujours cette tapisserie qui va être très importante ensuite, hein, qui permet aux personnages de se cacher. Leur but, c'est de savoir si Hamlet a l'intention d'épouser Ophélie ou non. Et Hamlet, au début de l'extrait que vous allez entendre, entre en scène avec cette fameuse tirade. Écoutez. Être ou ne pas être. C'est la question. Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les coups d'une indigne fortune ou de prendre les armes contre une mer de tourments et de leur faire front et d'y mettre fin? Mourir, dormir, rien de plus. Terminé par du sommeil, la souffrance du cœur et limite de blessures qui sont le lot de la chair. C'est bien le dénouement qu'on voudrait, et de quelle ardeur. Mourir, dormir, dormir. Rêver, peut-être. C'est l'obstacle! Car l'anxiété des rêves qui viendront dans ce sommeil des morts, quand nous aurons réduit à rien le tumulte de vivre, c'est ce qui nous réfrène. C'est cette idée qui fait que le malheur a si longue vie. Qui, en effet, supporterait le fouet du siècle? L'exaction du tyran, l'outrage de l'orgueil, l'angoisse d'un amour bafoué, la loi qui tarde et la morgue des gens en place, et les vexations que le mérite doit subir des êtres vils quand il peut se donner son quitus d'un simple coup de poignard. Qui voudrait ces fardeaux et gémir et subir à longueur de vie, c'est la terreur de quelque chose après la mort. Ce pays inconnu dont nul voyageur n'a repassé la frontière ne troublait notre dessein, nous faisant préférer les maux dont nous souffrons à d'autres. Obscur. Ainsi la réflexion fait de nous des lâches. Les natives couleurs de la décision passent dans la pâleur de la pensée. Et des projets d'une haute volée sur cette idée se brisent. Ils y viennent perdre leur nom même d'action. Quelle phrase terrible, hein. Ainsi la réflexion fait de nous des lâches. Comme si le fait de réfléchir et de méditer sur le sens de l'existence était ce qui nous éloignait au maximum de cette fameuse action, qui est le dernier mot de cette tirade que l'on vient d'entendre, Olivier Py. Absolument. Ça paraît manichéen, comme si, ici, être, ne pas être, réfléchir ou agir. Il y a bien un entre-deux quand même dans l'existence humaine. Et peut-être, peut-être. En tout cas, on entend bien que Hamlet n'est pas philosophique, qu'il est anti-philosophique, qu'il essaie de trouver quelque chose d'autre que la philosophie. C'est l'explication de Goethe sur son impossibilité d'agir. Il serait un intello, comme on dit aujourd'hui, et il serait écrasé par son questionnement, et ça l'empêcherait d'agir. Je ne le pense pas. Vous êtes très dur envers la philosophie quand même, je note. Oui, je suis très dur envers la philosophie, bien sûr. La philosophie est asséchante, la philosophie est cruelle, la philosophie nous parle de la mort. Moi, je n'ai jamais été un philosophe, je suis un penseur mystique, et surtout un homme de théâtre, mais pas un philosophe. C'est très dur, la philosophie, vraiment, c'est très très dur. Et la philosophie existerait-elle comme elle a existé au 19e et au 20e siècle sans cette phrase incroyable, être ou ne pas être? Ça semble être une contraction inouïe de la philosophie. Moi, j'ai un scoop, si vous voulez. Ouais. Tout le monde connaît être ou ne pas être. C'est la réplique la plus connue du dramaturge le plus connu, la pièce la plus connue. Et la suite, c'est la question. Ça semble ouvrir le questionnement philosophique, être ou ne pas être. On découvre en 1838 un manuscrit, un quarto en réalité, ce n'est pas un manuscrit, de Hamlet qu'on ne connaissait pas et qui avait disparu et qu'on découvre antérieur à la version qu'on connaît. Il y a deux versions qu'on connaît, un quarto de 1605 et puis ensuite dans les œuvres complètes, le folio. Mais là, on découvre une version de 1604 et elle n'est pas synoptique avec l'autre quarto. Et donc, cette réplique si connue a une autre version. C'est extraordinaire. Quand j'ai découvert ça, je n'en croyais pas mes yeux. Et cette autre version, la voilà. Être ou ne pas être, là, rien ne change. Mais non pas, that is the question. Hey, that's the point. C'est incroyable, non? Il y a une autre version de cette réplique si célèbre. Et c'est très difficile à traduire, that's the point. On peut traduire par c'est la question, bien sûr. Mais ce n'est pas exactement le même genre de question. On entend le basculement d'un siècle à l'autre. Être ou ne pas être. D'abord, est-ce que ça s'oppose? On ne sait pas si le ou est inclusif ou s'il est exclusif. Mais dans la première version, oui, c'est le point. I, that's the point. Oui, c'est le point. C'est le point de souffrance, c'est le point de douleur, c'est le point où tout s'arrête, c'est le point final. La mort et l'être, incompatibles, aporétiques. Quand on est mort, on ne peut pas connaître la mort. Donc on ne connaîtra jamais la mort. Donc la mort est l'inconnaissable. Donc la mort est le point limite de toute pensée. Et alors on peut imaginer notre grand Bill à la taverne de la sirène, en train de boire sa bière, qui biffe « I, that's the point » et qui écrit une nouvelle version « That is the question ». Non, il en fait une question. Entre l'être et le non-être, il n'y a pas une incompatibilité aporétique, il y a un questionnement. Qu'est-ce qu'il y a entre l'être et le non-être? Jean Kelevitch dit « Si Hamlet était moins obsédé par la question de l'être, il trouverait un terme médian entre l'être et le non-être, il y a le faire. » Ça, je cite Jean Kelevitch. Je le cite un petit peu mal, mais c'est l'idée. Il y a le faire. Si Hamlet avait été moins obsédé par la mythologie de la chose, peut-être aurait-il découvert ce tiers principe auquel l'activisme du 19e siècle par la bouche de Faust trouvera son vrai nom, l'action. Ça, c'est la citation de Jean Kelevitch. Entre l'être et le néant, il y a le faire qui n'est ni être ni non-être. Merci, formidable. Pour quelqu'un qui n'aime pas la philosophie, vous la connaissez très bien quand même, Olivier. Oui, mais justement, pour la réfuter, il faut un petit peu la connaître. Et il y a cette idée-là. Non, l'être ne s'oppose pas au non-être. Ça n'est pas ça. Il faut trouver une dialectique entre les deux. C'est ce que fera d'ailleurs Heidegger. Heidegger, c'est une dialectique entre l'existence et l'étant, mais entre l'être et le non-être aussi. Et on ne peut pas se contenter de cette exclusion de l'être et du non-être. Jean Kelevitch, ce qu'il propose, en quelque sorte, c'est l'action, mais encore une fois, to act est absolument synonyme du théâtre. Et Derrida, qui est un sacré coquin, lance une petite savonnette sous les pieds de Heidegger dans le texte que je citais tout à l'heure, Spectre de Marx. Il dit « Être ou ne pas être, après tout, la réplique n'est peut-être pas ontologique. » Alors là, on hallucine. Et puis, il n'y a personne pour le développer. Et puis, il n'y a pas de note en bas de la page pour nous expliquer ce qu'il voulait dire. Évidemment, si on pense à être ou ne pas être en termes ontologiques, il faut se demander comment Shakespeare a lu Heidegger. Il faut téléphoner à Heidegger et lui dire « qu'est-ce que Shakespeare vous a dit ?» Mais Derrida dit que ce n'est peut-être pas ontologique. Donc il y a une autre version, je dirais que c'est la version existentielle. Du coup, l'être et le non-être, c'est l'être et le néant. On pourrait presque traduire « to be or not to be » par « l'être ou le néant ». C'est tout à fait possible. Mais attention, en termes existentiels, pas en termes ontologiques, ça veut dire que nous avons, nous, en nous, la possibilité de résoudre cette opposition qui semble pourtant bien logique entre la mort et la vie, entre l'être et le non-être. Ben, ce milieu entre les deux s'appellerait le théâtre, si je vous suis bien et si je lis bien Shakespeare, et même si j'écoute bien Hamlet, hein, finalement, to act, vous l'avez dit, ça veut dire à la fois agir et jouer sur scène. La solution, c'est l'action, la solution, c'est le théâtre. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, que Hamlet va mettre en scène une pièce de théâtre dans le théâtre pour essayer de parvenir à ses fins. Évidemment, c'est ça, le théâtre. C'est exactement ça. C'est une sorte de combat de prestige. Bien sûr qu'on ne peut pas vaincre la mort. Et alors, est-ce une raison pour ne pas essayer? Non, notre dignité, notre vie, notre sens, on le trouvera dans ce combat perdu contre la mort. C'est probablement ce que comprend Hamlet, et c'est là qu'il a besoin du théâtre. Et il convoque les comédiens. Et étrangement, Il leur fait jouer avant la pièce qui s'appellera Le piège à rat, le titre est merveilleux. Il leur demande de jouer des extraits de leur répertoire et un des personnages joue un monologue qui décrit Hécube. Pourquoi Hécube ? Parce qu'elle est l'allégorie même de la tragédie. C'est-à-dire que Shakespeare se demande avec nous, est-ce que j'ai bien écrit une tragédie ? Si je voulais écrire une tragédie, est-ce que j'arriverais à écrire une tragédie ? Est-ce que c'est une tragédie ? On dit globalement que Hamlet est une tragédie, mais pas au sens classique, certainement. En tout cas, ce qui est de l'ordre du tragique, c'est que le théâtre est agissant. Il n'est pas un simple divertissement. Il est propre à être, il est propre à changer nos vies, et en cela, il est plus grand que la philosophie. Il faut pas oublier que le théâtre était avant la philosophie, c'était même le mode de penser avant que la philosophie ne le supplante. Oui, après, on n'est pas obligé de poser les deux. D'ailleurs, tout ce que vous dites au sujet d'Hamlet montre bien qu'il y a de la philosophie aussi dans le théâtre. On va écouter cette pièce de théâtre dans le théâtre. On va surtout écouter la réaction de la mère d'Hamlet après le début de la pièce. Donc, je rappelle que Hamlet met en scène une pièce qui va représenter l'histoire de ses parents. Une reine juge de rester veuve à jamais si son mari meurt. Celui-ci est empoisonné et la reine finit par accepter l'amour de l'empoisonneur. Évidemment, quand le roi, donc son oncle, va voir la pièce, il va tout simplement quitter la salle. Écoutez. Que pensez-vous de cette pièce ? La dame fait trop de serments, me semble-t-il. Oh, mais elle tiendra parole. Connaissez-vous le sujet ? N'a-t-il rien qui puisse offenser ? Offenser ? Absolument pas. C'est un jeu. Il s'empoisonne pour rire. Quel est le titre de la pièce ? Le piège à rat. Et pourquoi donc ? Eh bien, au figuré, cette pièce a pour sujet un meurtre commis à Vienne. Gonzague est le nom du roi, Battista, celui de sa femme. Et vous allez voir qu'il s'agit là d'un joli tour de malin. Mais n'est-ce pas, peu importe. Votre Majesté et nous qui avons la conscience pure, cela ne nous émeut pas. Celui-ci, un certain Lucianus, le neveu du roi. Vous êtes un vrai coryphée, monseigneur. Je pourrais bien expliquer ce qui se passe entre vous et votre amoureux, pour peu que je puisse voir le frémissement des marionnettes. Quelle pointe, monseigneur. Ne tentez pas de débrécher, cela vous ferait gémir. Pensée noire, main prompte et poison homicide. Convenance de l'heure, absence de témoins. Oh, nocturne venin. Oh, mixture fétide, qu'Hécate a infecté de ses funestes soins, par l'affreuse magie de tes propriétés, usurpe sans retard sa vie et sa santé. Il verse le poison dans les oreilles du dormeur. He's dead. Mais il l'empoisonne dans son jardin pour lui ravir ses états. He's dead. Et maintenant, vous allez voir comment le meurtrier se fait aimer de la femme de Gonzague. Roi Célèbre ! Et quoi ? Effrayé par un tyran blanc ? Êtes-vous souffrant, monseigneur ? On interrompt la pièce ! De la lumière ! De la lumière ! Partez ! Et oui, le roi ne supporte pas voir devant ses yeux, mise en scène et jouée par des comédiens, l'action qu'il a lui-même produite. Ce que fait Hamlet ici, c'est quasiment un travail psychanalytique. Il fait revivre à l'assassin le crime qu'il a lui-même commis, ce qui lui est absolument insoutenable. Il n'était pas prêt à voir la vérité en face, Olivier Pie. Non, et ça marche, car ça provoque chez le roi, je crois qu'il était joué par André Séverine, une sorte de... C'est ça. De catastrophe intérieure, très très bien traduit, de la lumière pour des flambeaux, dans la version d'Hugo c'est des flambeaux, et pourtant c'est bien light, il demande de la lumière, il demande la lumière du sens, et il demande en réalité la lumière de la miséricorde. Donc la pièce est ridicule, elle fait rire d'ailleurs, un personnage qui vient mettre du poison dans l'oreille d'un autre, etc., avec une langue dans laquelle Shakespeare se moque lui-même des auteurs fleuris, et pourtant, c'est agissant. Dans le ridicule, c'est malgré tout agissant. Alors, il y a un contexte qui est extraordinaire et qui est révélé par Carl Schmitt, vous savez, ce juriste catholique à prendre avec des pincettes parce qu'il a été nazi, donc il est radioactif. Mais il a écrit un très beau livre qui s'appelle Hamlet et Cube, dans lequel il replace la pièce dans le contexte historique. Jacques Ier, puisque la pièce aussi prend acte du passage du règne élisabétain au règne jacobin. Jacques Ier pense que Marie Stuart, sa mère, a tué son père. Et on pourrait même imaginer que c'est une commande. C'est-à-dire que Jacques Ier, qui a vu la pièce, voit lui aussi représenter sa propre vie. Un miroir dans le miroir, dans le miroir, dans le miroir. C'est vertigineux. Et là se crée quelque chose de l'ordre de la légitimité du pouvoir. Et c'est d'ailleurs une des pensées les plus fondamentales de Carl Schmitt, dont l'analyse est juste, même si après il l'a utilisée au profit d'une idéologie abjecte. Son analyse est juste. La légitimité du pouvoir se fonde sur une espérance métaphysique. Et s'il n'y a pas cette espérance, le pouvoir n'a aucune légitimité. Et la couronne est ce que dit d'ailleurs Hamlet à propos du roi, a été volée sur une étagère. Un roi qui a volé une couronne sur une étagère. Mais cette couronne volée sur une étagère, évidemment, elle fait penser au magasin d'accessoires qu'il y a dans les coulisses des théâtres. C'est une couronne de théâtre. Ça n'est qu'une couronne de théâtre. Cette couronne de théâtre, qui est en carton, est-ce qu'elle va réussir à devenir de l'or ? Est-ce qu'elle va réussir à devenir de l'or messianique ? Peut-être, mais pas sans processus théâtral. Hamlet, pourtant, lui, n'est pas intéressé par le pouvoir. C'est pas du tout ça, l'enjeu, lui, de son action, de sa tentative d'agir. Peut-être la vengeance, mais pas le pouvoir. Non, pas le pouvoir pour le pouvoir, en tout cas. Ni même, d'ailleurs, le pouvoir politique en soi. Non, ce qui l'intéresse, c'est la légitimité. Et il est possible, d'ailleurs, et Schmitt le rappelle, que le roi ne soit pas illégitime, parce que nous imaginons en français, dans la construction de l'héritage de la couronne en France, une légitimité directe et par le sang. Mais dans le système anglais, il y a des chambres d'écho, d'élection, dans lequel les grands du royaume décident quand même si c'est le frère ou si c'est le fils. Donc peut-être que le frère n'est pas tout à fait illégitime. C'est-à-dire qu'il ne reste plus à Hamlet qu'une couronne de théâtre. Mais cette couronne de théâtre, elle est plus pure, évidemment, que la couronne du roi. En fait, ce que Schmitt comprend dans la pièce de Shakespeare, c'est que il n'y a que la culture pour arriver à donner une légitimité, j'ai envie de dire une légitimité légitime, au pouvoir politique. Et les enjeux de pouvoir, on peut les lire aussi à l'échelle familiale, parce que, alors là, on n'aura pas le temps d'écouter un dernier extrait, mais lors de la confrontation entre Hamlet et sa mère, à la scène 4 de l'acte 3, Hamlet, en fait, révèle les raisons de son impuissance à agir et pourquoi finalement il va se tromper. Il ne le fait pas intentionnellement. Il va croire tuer le roi quand en fait il va tuer Polonius, qui n'était pas son intention. Mais la confrontation que cela permet avec sa propre mère a même été analysée par Freud lui-même. Il y a ici quelque chose de ce qu'on pourrait appeler, alors même si ça fait un peu facile sans doute, le complexe d'Œdipe, mais un obstacle qui n'est pas d'ordre, disons, matériel, qui l'empêche d'accomplir cet acte. Et on le trouve très bien dans cette rencontre entre la reine et Hamlet. Mais on peut tout à fait parler de complexe d'Œdipe, puisque c'est Freud qui le fait. L'acte de naissance de la psychanalyse, c'est une lettre de Freud à son bien-aimé Fliss, c'est presque des lettres d'amour qu'il s'envoie, dans laquelle il renonce à ce qu'on a pu appeler la théorie de la séduction ou la neurotica. C'est-à-dire, en gros, il ne pense pas qu'il y a toujours un traumatisme qui est à l'origine de la névrose, mais peut-être un désir. Et cet acte de naissance de la psychanalyse se fait non pas en parlant d'Œdipe, mais en parlant de Hamlet. En fait, Hamlet, c'est le névrosé, c'est l'homme moderne, c'est la névrose. Œdipe, c'est l'inconscient. Donc, le premier à s'allonger sur le divan de Freud, c'est Hamlet. Et il lui dit, vous avez un complexe d'Œdipe. Pas pour rien, puisque le schéma œdipien, le schéma tragique, sous-tend la construction de Hamlet. On ne sait jamais si Gertrude est coupable ou pas, ce qui n'en fait pas complètement une Clytemnestre. Il y a des pages entières écrites entre ceux qui pensent qu'elle est coupable et ceux qui ne pensent pas qu'elle est coupable. D'ailleurs, il y a un clivage entre le féminisme et le machisme inconscient de certains commentateurs. Elle est peut-être innocente. Mais quoi qu'il en soit, Freud voit dans Hamlet le névrosé, mais aussi le névrosé qui appelle la cure et le névrosé qui peut-être va résoudre sa névrose. Ce n'est pas du tout une vision pessimiste. Il n'y a pas d'Œdipe sans Hamlet. Le complexe d'Œdipe, qui est tellement connu, aurait pu s'appeler le complexe d'Hamlet. On va se quitter sur ces paroles. Merci beaucoup Olivier Py pour votre lecture généreuse d'Hamlet. On l'aura compris, vous faites une lecture à la fois philosophique, psychanalytique, politique et esthétique d'Hamlet. Le théâtre est un monde et le monde est un théâtre. Ça pourrait être une forme de conclusion qui invite à lire le texte. Grand merci à vous de nous avoir parlé d'Hamlet ce matin. Merci à vous. Et puisque nous avons à peine parlé d'Ophélie, voici une chanson inspirée par Ophélie d'Hamlet, La Noyée de Serge Gainsbourg. Vous ne l'avez encore jamais entendu, peut-être vous ne l'entendrez jamais plus, alors autant en profiter tout de suite, c'est une chanson inédite, elle s'appelle La Noyée. Tu t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir. Et moi courant sur la rive, je te crie de revenir. Mais lentement tu t'éloignes et dans ma course est perdue. Peu à peu je te regarde un peu du terrain perdu. De temps en temps tu t'enfonces dans le liquide mouvant, ou bien frôlant quelque ronce, tu hésites et tu m'attends en te cachant la figure dans ta robe retroussée, de peur que ne te défigure et la honte et les regrets. Tu n'es plus qu'une pauvre et brave chienne crevée au fil de l'eau, mais je reste ton esclave et plonge dans le ruisseau. Quand le souvenir s'arrête et l'océan de l'oubli brise en nos cœurs et nos têtes, à jamais nous réunis. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, dès l'heure de retrouver, comme tous les jours, la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour Adèle. La question du jour. Peut-on considérer l'histoire du jeu vidéo comme une version accélérée de l'histoire de l'art? Alors, à l'occasion de sa ressortie sur Nintendo Switch, je suis retourné dans le château de Super Mario 64, chef-d'œuvre supposé du jeu vidéo. Avoir joué deux fois à Super Mario 64 avec 20 ans d'écart, c'est comme si j'étais entré deux fois en réalité dans un chef-d'œuvre de la peinture, la première fois comme un contemporain, la seconde fois comme un visiteur de musée. J'avais connu l'œuvre originale, je m'étais extasié avec toute ma génération sur les prouesses du peintre, la texture de l'eau, le visage de Mario, son nez, le scintillement des pièces d'or. C'était l'un des premiers jeux en 3D et c'était incroyable. Ma génération, grâce à Mario 64, a été contemporaine de l'invention de la perspective. Mario 64, c'est notre Quattrocento. Chaque boss de fin de niveau était une nouvelle bataille de San Romano. La couronne de boue, le fantôme, c'était la célèbre bouée quadrillée par lequel Uccello, dans son tableau du déluge, a livré sa plus célèbre leçon de perspective. Donc vous nous dites qu'en fait, c'est l'histoire de l'art qui se répète ? Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est qu'on assiste là, en concentré, sur moins d'un demi-siècle, à une réplique accélérée d'une évolution picturale qui a duré, elle, plus de 500 ans. On est passé, si l'on veut, en 25 ans, du Mario de 85 à Mario 64 de Giotto à Piero della Francesca. Mais ce n'est pas une histoire qu'on a survolée. On était vraiment pris à l'intérieur. Il n'y a aucun Mario qu'on n'ait pas jugé en son temps époustouflant et révolutionnaire. Sans doute car on était à chaque fois au plus près des limites de la console qui faisait tourner le jeu presque comme un démonstrateur technique. Ce qui est une bonne définition du chef-d'œuvre, non ? Probablement. Le mieux qu'on peut faire, à un moment donné. Les figures de Botticelli ont l'air moins vivantes que les danseuses de Degas, mais en leur temps, c'était ce qu'on pouvait peindre de meilleur. On dispose, en tout cas, face à l'histoire du jeu vidéo, une histoire qu'un joueur d'âge moyen a accompagné presque depuis ses débuts d'un assez bon laboratoire pour tester l'idée, souvent débattue, d'un progrès dans l'art. La 3D tourne beaucoup mieux dans le Mario Odyssey de 2017 que dans le Mario 64 de 1997, mais je ne pense pas que Mario Odyssey soit jamais considéré comme un classique. Donc la notion de classique serait l'antithèse de la notion de progrès. En tout cas, le classique retient le temps, crée sa propre temporalité qui le relie aux autres classiques, des classiques tous à égalité entre eux comme dans Les Phares de Baudelaire. C'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Mais il y a une autre définition du classique, c'est celle de Borges. Le classique, c'est ce qui résiste à la traduction, c'est ce qui, même traduit de manière catastrophique, parvient encore à être entendu. Un classique, c'est un vieux Tetris auquel on joue sur une Game Boy sortie du grenier. C'est un Mario de 1997. Qu'on rallume, c'est plein de problèmes, plein de naïveté, mais on y joue encore. L'émerveillement en moins sans doute, il n'est pas si bien rendu avec le recul, ce carrelage dans le château de la princesse. Elle est un peu plate, cette perspective, mais elle est plate précisément car elle nous a dressé. Une dernière définition, génialement paradoxale, de ce que serait un classique, dit que c'est quelque chose qui souvent nous laisse structurellement insensible, alors qu'on connaît son importance dans l'histoire. Si face à cette œuvre que ses contemporains jugeaient révolutionnaire, nous restons de marbre, ce n'est pas que l'œuvre est ratée, c'est que nous en sommes les personnages, que nous sortons si directement d'elle qu'elle a l'air naturelle. Alors, quelle est la réponse que vous proposez à la question que vous avez posée ? Est-ce que le jeu vidéo serait une histoire de l'art en accéléré ? Un speedrun, cette discipline qui consiste à achever un jeu le plus vite possible, à achever peut-être l'histoire de l'art elle-même. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Clara de Giovanni, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Inès de Bruyne. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison. On se retrouve non pas demain, car demain, vendredi 25 décembre, c'est Noël. Ce sera donc la messe sur France Culture, mais lundi prochain où Géraldine Mosna-Savoie vous donne rendez-vous pour une nouvelle série d'émissions autour du végétal. Qu'est-ce qu'une plante ? Est-ce qu'on cultive la démocratie comme on cultive ses bégonias ? Qu'est-ce que le rhizome de Deleuze et Guattari ? Et enfin, les fleurs artificielles de Huysmans dans son roman À rebours. Voici un programme très fleuri qui vous attend la semaine prochaine. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture où vous pouvez réécouter l'émission en ligne. Mais rendez-vous également sur l'application Radio France, très facile à télécharger, très facile à utiliser, grâce à laquelle vous pouvez écouter chaque émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous pouvez écouter les émissions où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Restez à l'écoute sur France Culture.